Seconde partie, chapitre 1er de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Seconde partie. Divers avis pour élever l'âme à Dieu par l'oraison et pour l'usage des sacrements. Chapitre 1er. De la nécessité de l'oraison. Puisque l'oraison fait entrer notre esprit dans toute la lumière de la divinité, tient notre volonté exposée aux ardeurs du divin amour, il n'y a rien qui puisse mieux dissiper les ténèbres, dont l'erreur et l'ignorance ont obscurci notre entendement, ni mieux purifié notre cœur de toutes nos affections dépravées. C'est l'eau de bénédiction qui doit nous servir à laver nos âmes, de nos iniquités, à désaltérer nos cœurs, pressés par la soif de notre cupidité, à nourrir les premières racines que la vertu y a jetées, et qui sont les bons désirs. Deuxièmement. Mais je vous conseille principalement l'oraison de l'esprit et du cœur, et surtout celle qui est occupée de la vie et de la passion de notre Seigneur, car à force de la regarder dans l'exercice de la méditation, toute votre âme se remplira de lui, et vous formerez votre conduite intérieure et extérieure sur la sienne. Il est la lumière du monde, c'est donc en lui, et par lui, et pour lui que nous devons être éclairés. Il est le mystérieux arbre du désir dont parle la sainte épouse des cantiques. C'est donc à ses pieds qu'il faut aller respirer un air plus doux, pour peu que le cœur se soit laissé échauffer par l'esprit du siècle. Il est la vraie fontaine de Jacob, cette source d'eau vive et pure, il faut donc aller souvent à lui pour nettoyer l'âme de toutes ses souillures. Vous le savez, les enfants, entendant parler continuellement leur mère, s'efforcent de bégayer avec elle, apprennent à parler la même langue. C'est de cette sorte que nous attachons au Sauveur dans la méditation, y observant ses paroles, ses actions, ses sentiments et ses inclinations, nous apprendrons avec sa grâce à parler comme lui, à agir comme lui, à juger comme lui et à aimer ceux qu'il a aimés. Il faut s'en tenir là, filoter, et croyez-moi, nous ne saurions aller à Dieu, le Père, que par cette porte qui est Jésus-Christ, ainsi qu'il nous l'a dit lui-même. La glace d'un miroir ne peut arrêter notre vue, à moins qu'elle ne soit appliquée à un corps opaque comme le plomb ou l'étain. De même, nous n'aurions jamais pu bien contempler la divinité en cette vie mortelle, si elle ne se fût unie à notre humanité dans Jésus-Christ, dont la vie, la passion et la mort sont pour nos méditations l'objet le plus proportionné à la faiblesse de nos lumières, le plus doux à notre cœur, le plus utile au règlement de nos mœurs. Le Sauveur s'est appelé « le pain descendu du ciel » pour bien des raisons. En voici une. Comme on mange le pain avec toutes sortes de viandes, nous devons si bien goûter l'Esprit de Jésus-Christ dans la méditation que nous en étant nourris, nous le fassions entrer dans toutes nos actions. C'est pour cela que plusieurs auteurs ont partagé ce que nous avons de sa vie et de sa passion en divers points de méditation. Et ce que je vous conseille le plus sont Saint Bonaventure, Bellitani, Bruno, Capiglia, Grenade et Dupont. Troisièmement. Donnez à cet exercice une heure, chaque jour, devant le dîner et dès le matin si vous le pouvez, avant que vous ayez perdu la netteté et la tranquillité d'esprit que donne le repos de la nuit. Mais n'y mettez pas plus de temps, à moins que votre père spirituel vous l'ait marqué expressément. Quatrièmement. Si vous pouvez faire cet exercice tranquillement dans une église, je crois que ce serait le meilleur, parce que ni père, ni mère, ni femme, ni mari, ni aucune personne ne pourra, ce me semble, raisonnablement vous y disputer cette heure de dévotion. Au lieu que dans votre maison, vous ne pourriez peut-être pas vous la promettre tout entière, ni si libre, par la raison de la dépendance que vous y avez. Cinquièmement. Commencez toujours votre prière, soit la mentale, soit la vocale, par la présence de Dieu. Ne vous relâchez jamais sur cette pratique et vous verrez en peu de temps combien elle est utile. Sixièmement. Si vous m'en croyez, vous direz le Pater, l'Ave et le Credo en latin. Mais vous apprendrez aussi bien à en entendre les paroles par rapport à votre langue naturelle, afin que vous conformant à l'usage de l'Église pour la langue de la religion, vous puissiez cependant en concevoir le sens admirable et en goûter la suavité. Il les faut dire avec une profonde attention au sens qu'elles portent et en prenant les affections qui y sont conformes. Ne vous laissez pas aller à un mauvais empressement de faire beaucoup de prières, mais appliquez-vous à les faire d'un bon cœur, car un seul pater dit avec un vrai sentiment de piété vaut mieux que plusieurs récités avec précipitation. Septièmement. Le chapelet est une très utile manière de prier quand on le sait bien dire. Et pour vous en instruire, ayez quelques-uns des petits livres qui en apprennent la méthode. Il est bon aussi de dire les litanies de notre Seigneur, de Notre-Dame, des saints et les autres prières que l'on peut trouver dans des heures bien approuvées. Mais tout cela ne s'entend qu'à cette condition que si vous avez le don de l'oraison mentale, vous lui donniez toujours le premier temps et le meilleur. Remarquez bien que si après l'avoir faite, la multitude de vos affaires ou quelque autre raison ne vous laisse plus de temps pour vos prières vocales, vous ne devez pas vous en inquiéter. Et il suffira de dire simplement, devant ou après la méditation, l'oraison dominicale, la salutation angélique et le symbole des apôtres. Huitièmement. Si en priant vocalement, votre cœur sent quelque attrait à l'oraison intérieure et mentale, bien loin de le retenir, laissez-le s'y porter doucement. Et ne vous troublez pas de ce que vous n'aurez pas achevé toutes ces prières que vous vous étiez proposées, car l'oraison de l'esprit et du cœur est beaucoup plus agréable à Dieu et plus salutaire à l'âme que celle des lèvres. Vous entendez assez qu'il faut accepter de cette règle l'office ecclésiastique si vous avez quelque obligation de le réciter. Neuvième. Bon. Vous devez rejeter tout ce qui pourrait vous empêcher de faire ce saint exercice le matin. Si cependant la multitude de vos affaires ou quelque autre raison légitime vous le fait perdre, tâchez de le remplacer l'après-midi à l'heure la plus éloignée du repas que vous pourrez, soit pour éviter l'assoupissement, soit pour ne pas nuire à votre santé. Si même vous prévoyez que tout le jour vous ne puissiez pas faire votre raison, il faut réparer cette perte en y suppléant par ces fréquentes élévations de l'esprit et du cœur à Dieu que nous appelons oraison jaculatoire, par quelques lectures spirituelles, par quelques pénitences qui préviennent les suites de cette perte, et par une ferme résolution de faire votre oraison le lendemain. Fin du chapitre 1er. Seconde partie.